Chapitre 15. Le scribe Anne vint à Joseph et lui dit « Pourquoi ne t'es-tu pas rendu à l'assemblée ?» Et Joseph lui répondit « J'étais fatigué du chemin que je venais de faire, et j'ai voulu prendre du repos le premier jour. » Et le scribe, s'étant retourné, vit que Marie était enceinte. Et il s'en alla en courant vers le grand prêtre, et il lui dit « Joseph, auquel tu ajoutes foi, a gravement péché. » Et le grand prêtre dit « Qu'y a-t-il ?» Et le scribe répondit « Il a souillé la Vierge qu'il avait reçue du temple du Seigneur, et il a fraudé la loi du mariage, et il s'est caché devant les enfants d'Israël. » Et le prince des prêtres répondit « Est-ce que Joseph a fait cela ?» Et le scribe Anne dit « Envoie des ministres, et ils verront que Marie est enceinte. » Et les ministres allèrent, et ils trouvèrent que le scribe avait dit vrai. Et ils conduisirent Marie et Joseph pour être jugés. Et le grand prêtre dit « Marie, comment as-tu agi ainsi ? Et pourquoi as-tu perdu ton âme, toi qui as été élevée dans le sein des saints, qui as reçu la nourriture de la main des anges, qui as entendu les mystères du Seigneur et qui t'es réjouie en sa présence ?» Elle pleurait très amèrement et elle répondit « Vive le Seigneur mon Dieu, je suis pure en présence du Seigneur et je ne connais point d'homme. » Et le grand prêtre dit à Joseph « Pourquoi as-tu agi ainsi ?» Et Joseph dit « Vive le Seigneur Dieu et vive son Christ. Je les prends à témoin que je suis pur de tout commerce avec elle. » Et le grand prêtre répondit « Ne rends point un faux témoignage, mais dis la vérité. Tu as dérobé ses noces et tu l'as caché au fils d'Israël, et tu n'as pas courbé la tête sous la main du Tout-Puissant, afin que ta race fût bénie. »